10-22, activation orale. Présent de l'indicatif du verbe venir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu travailles beaucoup? Vous répondez. Oui, je viens de la bibliothèque. Bon, allons-y. 2. Mireille travaille beaucoup. Oui, elle vient de la bibliothèque. 3. Mireille et Robert travaillent beaucoup. Oui, ils viennent de la bibliothèque. 4. Vous travaillez beaucoup, vous deux? Mais oui, nous venons de la bibliothèque. Ah bon. 5. Tu travailles beaucoup? Oh oui, je viens de la bibliothèque.